Thank you. au bord du lac. J'arrive au bord du lac. Il y a des Français? Français? French? No French? J'utilise un capot, alors ça fait... Non, ouais, excuse-moi, vas-y. Je ferme la gueule.